n'est pas capable de faire. C'est qui se passe? On voit la formulaire juste là, toi. Si tu fais un effort pour l'autre, la si tu fais de l'effort pour l'autre, vous êtes prêts à avoir. Ouais. Quand vous descendez à vos niveaux. Parce que ça, j'ai déjà répété. Votre petite maison qui arrive quand vous descendez à vos niveaux. C'est pas la tête pas net. C'est pas net. Pas aussi net que tout à l'heure. Descendez au niveau en haut. C'est devenu après ça votre maison. C'est encore moins clair. Pense qu'elle est. Essayez de reconstruire votre petite maison, votre belle petite maison, etc. C'est dans ce sens-là. Comme là, vous avez deux champs de force. Vous avez un champ de force qui est sous le contrôle des forces négatives. Un champ de force qui est sous le contrôle des forces créatives. Puis c'est ça, le référent. Quand vous commencez à jouer avec le champ de force qui est lié aux forces négatives, éventuellement, vous remplissez tellement de la patente que les autres ne peuvent plus pas. Les gens ne réalisent pas. Il y en a un, je ne sais pas si c'est ça, je me sens un petit peu. Il y en a un qui a fait ça, tout ça, là. Il a voulu faire une expérience avec son écran. Son écran, sa patente. Il m'a appelé. Ça marche pas. C'est lui. Bon, explique le nom. Là, je te l'avais à chaque fois qu'elle me fait des lignes, elle se reçoit. Et à un moment donné, je l'ai plus fait sur le monde. J'ai compris le message. J'ai au fait de revenir à rien, c'était une épée de la part, du coup. Et à partir de ce temps-là, ça m'a fait. J'ai arrêté tout complètement. Je faisais justement que la réponse, point final, c'est le truc. T'es subtil? Les choses de l'esprit. Non, non, pourquoi il y a une. Quand j'étais séminaire, on parlait des cas des centres de la terre. Tu m'as dit, parce que j'avais jamais dit. Tu as dit, serre-toi mes yeux comme miroir, puis de ton écran mental. Pourquoi à ce moment-là? Parce que c'est avec ton écran mental, tu peux aller voir.

Une certaine évolution dans une grande. L'idée, quoi? L'idée de ça, des fois, c'est de faire ça. C'est pour être intégré à travers nous autres, de l'empêcher, c'est de. C'est retarder l'évolution de son travail. Ils vont se servir. Ils vont se servir d'une autre forme de spiritualité pour juger de la façon dont on fonctionne. Si tu veux la personnalité de l'être, il a le faire. Sans le savoir. C'est seulement par vibration que vous pouvez savoir. Mais moi, personnellement, je suis là comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Parce que ça représente trop d'énergie contraire. Pour qu'il y ait un combat, il y a toujours un combat. Non, il n'y a pas de table. Bon, vous n'avez pas à point clair, c'est à vous autres de savoir. Tout d'un coup, qui a raison, moi, j'ai pas raison. Ça va être bien pris. Par vous autres. Moi, je suis bien consistant dans ma folie. C'est l'affaire. C'est juste pour nous autres, pour nous rentrer à autres. C'est ce que j'ai à faire. C'est ça. Je suis pas mal de. Il y a quelque chose qui m'intéresse en ce qui vous concerne. C'est votre propre autonomie, votre centricité. Les gars comme Bethesda, c'est assez difficile de jouer ça. Heureusement, j'ai mis sur mon bord. Bethesda. Beaucoup de tôt. Vous autres, c'est facile de se manipuler. Vous êtes encore. C'est un cuillère. Les Bethesda, là. Le live, c'est le bangard. Ces gens-là représentent pour vous la sécurité. Moi, je ne suis pas là pour vous représenter la sécurité. Donc, je suis là pour vous donner de l'information, de l'instruction. Et vous devez vivre votre expérience. J'ai rendu ces bêtises qui comptent ma vie. Ils n'ont pas trop loin. Mais toutes les affaires. Mais je vous. Bon, moi, vous connaissez le métier de fatigue. Il y en a qui. Ça, c'est pour vous autres, c'est un point de référence. Mais